Allez, ben aujourd'hui je suis avec Alexandre Castola pour ce nouvel épisode de Joue au rugby Mino. Ben écoute, pour commencer, Alex, je te propose de te présenter, quel a été ton parcours de joueur et ce que tu fais actuellement aussi. Et on viendra petit à petit sur la raison de cette interview ensemble. Mais ok, bah écoute, donc je suis toulousain de naissance. J'ai débuté le rugby à l'école de rugby du Stade Toulousain Oui. jusqu'en cadet. Ensuite, on a déménagé avec mes parents, je suis parti sur Colomiers. Donc là, je suis arrivé jusqu'en junior. En junior, là, donc là, il y a eu une réforme sur l'année 79. Oui. Donc ils ont fait une sélection et bon, j'en faisais pas partie. Donc là, il y a Auch qui m'a ouvert ses portes. Donc je suis parti une année en espoir à Auch. Et sur l'année espoir à Auch, on jouait un quart de finale contre Castres, je crois, en espoir. Et Clermont me repère là, sur ce match-là. Et donc il me propose de monter, les rencontrer pour intégrer les espoirs de Clermont. Oui. Donc voilà, donc j'y suis allé et ça s'est très bien passé. J'ai rencontré Philippe Marocco. Que j'aimais beaucoup en plus à l'époque, et puis j'ai signé là-bas un contrat espoir. Oui. Et puis sur cette année-là, on est champion de France, et on est le premier titre de champion de France du club ASM. OK. Donc, premier bouclier levé, c'est Oui. notre génération en espoir, Oui. avec les Lionel Faure, les Bastien Sipieski, les Oui. Capdevielle, les Jérôme Thion. Laurent Gunter, les Gabins, les Fleurus, les bons voisins, Oui. Nicole Andis, enfin il y avait une sacrée équipe, un sacré paquet d'avant. Donc on a eu notre premier titre de champion de France. Ensuite j'étais intégré l'année d'après, donc j'étais toujours en espoir et Laurent Travers m'a inscrit sur les listes de Coupe d'Europe. OK. Et j'ai fait partie du premier centre de formation. Alors c'était pas reconnu à l'époque de Pôle Élite, je crois, Oui. de l'ASM. Donc voilà, donc sur cette année-là, ben, j'ai débuté sur des matchs. Donc j'ai fait la Coupe de la Ligue, Oui. j'ai fait des matchs en Coupe d'Europe. Premier match en Coupe d'Europe, c'était, je me rappelle, c'était Glasgow au Michelin. Donc c'était génial. Ça, c'est ton premier match en équipe première? Premier match en équipe première. Oui. Vraiment sur une Oui. compétition, à part la Coupe de la Ligue, mais Oui. officielle, oui. Donc là, c'était génial. Donc il fallait à tout prix que tu assures, quoi. En Ouais. plus, tu viens, t'as pas de sélection jeune, tu viens un peu dans des chemins boueux, justement, on Oui. en parlait tout à l'heure. Il fallait vraiment tout prouver. Et puis on m'a donné une chance, j'ai su la saisir. Laurent Travers était entraîneur avec Steve Nance à l'époque, je crois. Et puis voilà, je pense qu'ils ont été agréablement surpris. Oui. Donc à partir de là, j'ai intégré les entraînements avec le groupe pro, je continue à jouer en espoir. Et ensuite j'ai été intégré sur titulaire d'un seul coup sur le match Clermont-Narbonne. C'était le dernier match de poule, la qualification justement pour les playoffs. Et en même temps se jouait Pau à Agen, je crois, et si Pau gagnait ou Agen gagnait, D'accord. voilà. Donc c'était un match très très fort en jeu. Donc j'étais titulaire, mis dans le grand bain à 21 ans à l'ASM. Puis on a gagné ce match. Donc en OK. face, il y avait les Desmas, il y avait les Chelsea, tout ça. On a gagné ce match. Et puis après, j'ai basculé titulaire sur toutes les phases finales et on perd en demi-finale contre Biarritz Oui. à Bordeaux. Et ça, c'était en 2001-2002, je crois. OK. Donc voilà, donc après, donc je fais 2 ans à Clermont. Après Clermont, je vais à Bègles. Donc là, je passe une année. Après Bègles, je pars au Stade français. Un contrat de 2 ans. Je mets un terme au bout d'un an Oui. parce que bon, ça s'est pas bien passé au niveau du relationnel avec un certain entraîneur, je n'aimerais pas. Oui. Voilà, sinon le président est exceptionnel, le groupe, les joueurs, enfin c'était super. J'ai Oui. passé une année exceptionnelle, j'ai beaucoup appris. Donc voilà, j'ai mis un terme sur ma deuxième année de contrat et je suis parti à Aix-en-Provence qui était repêché le 14 juillet. Ah oui. Voilà, quand mon agent, je lui ai dit le 14 juillet, enfin le Hein. 20, même, non, la date était des transferts étaient finis, je crois. Et en fait, j'ai appelé mon agent, je lui ai dit, écoute, je veux changer. Et donc là, je savais que Aix était repêché en Pro D2 et je suis allé à Aix-en-Provence pour me faire du bien, tout simplement. Ok. Là, on est en quelle année à peu près? Là, c'était en 2005-2006. Ok. Donc là, j'arrive à Aix-en-Provence et je découvre un groupe et des entraîneurs super. Voilà, j'avais eu du mal au Stade français avec le fonctionnement de l'entraîneur en chef à l'époque. Ça me regarde. Et puis là, je découvre un fonctionnement autre, bien entendu, et avec des super mecs aussi. On a passé une grosse année. Ouais. Et ensuite, écoute, je suis parti sur. Après Aix-en-Provence, je suis parti à Rouen. C'est Vincent Moscato qui était entraîneur là-haut, OK. que j'avais connu quand je jouais à Bègles, et qui m'a proposé ce projet-là. Et comme j'aimais l'homme, je suis parti à Rouen. OK. Donc voilà, donc on a démarré l'année. C'était génial. Oui. Moscato, en plus entraîneur, tu connais Ouais. Moscato, quoi. Donc c'est exceptionnel. Et puis voilà, donc j'ai passé 2 ans à Rouen. Et au terme des 2 ans, j'ai décidé de retourner dans le sud et d'arrêter ma carrière. Alors oui, c'est jeune. Tu vas me demander pourquoi. Oui. J'avais 29 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais un jeu. J'adorais la touche, la Oui. mêlée, donc le lancer, les bases du poste. Je touchais pas trop de ballons à l'époque. Je pense que les anciens qui m'ont croisé pourront t'en parler. J'étais Oui. beaucoup au soutien. Ce que j'aimais, c'était déblayer, Ouais. c'était défoncer, c'était ça. Maintenant, tu me vois physiquement, j'avais du mal à atteindre mes 99 kilos. J'étais plus vers les 93-94. Donc, à un moment donné, je subissais pas mal, tu vois. Et Oui. je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que tu penses à ta reconversion. Et puis voilà, donc je suis revenu sur Toulouse. Et là, j'ai commencé un boulot de Oui. commercial. C'était un boulot de commercial avec du one shot. Alors, OK. je me suis dit que je pouvais croquer la terre entière. Et en fait, j'ai pris des tartes Oui. toutes les semaines, parce que du jour où tu es joueur professionnel, où tu signes des autographes, où, tu vois, enfin, c'est une vie un peu extraordinaire. Mais tu te rends compte que tu reviens monsieur tout le monde. Et que la vie, elle est pas si facile que ça, et que en fait, tu prends des portes, des claques, et t'es avec ta mallette, avec ton costume, tu vois, et ça me rappelait un film, Will Smith, tu vois. Oui. Je me voyais, ça me représentait bien, tu vois. Donc, Mais c'était une année galère, très galère. tu avais des formations, Aucune, ok. aucune. Mais tu étais assez confiant dans le fait, dans ta capacité de vendre, d'avoir des bonnes relations? En fait, confiant, non. Moi, je suis jamais confiant, mais en fait, j'ai un ami qui avait créé une boîte justement de commerciale sur certains articles. Et en Oui. fait, il m'avait dit, putain, mais ouais, mais je te connais, on était ensemble au Bahut, et je suis sûr que tu vas le faire, et tout ça. Et puis moi, j'avais pas le choix, en fait. Oui. J'avais pas le choix. Le rugby, je l'arrêtais. J'avais pas envie de repartir sur une autre saison, retrouver le niveau professionnel physiquement. Pour moi, c'était difficile. Oui. Difficile physiquement parce que j'avais pas un jeu aéré, j'étais plutôt un jeu obscur, et physiquement, voilà, je faisais plus de différence, Oui. et je prenais pas de plaisir. Donc j'ai mis. Il y avait. Le truc, c'est que je voulais m'occuper de mon après-carrière parce que j'ai pas de diplôme. D'accord. Tu vois, j'ai eu un peu une vie un peu compliquée. Et ça m'a beaucoup préoccupé. Donc je suis revenu sur Toulouse et je me suis dit, il y a une opportunité là-dedans. Ouais, on Et comme. fonce. Voilà, moi je réagis beaucoup sur l'humain, et mon pote, j'avais confiance en lui, et j'ai toujours confiance en lui, il n'y a aucun souci, mais je me suis dit, allez, feu. Oui. Et donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un costard, la mallette, et à me balader dans Toulouse, à prendre des portes, à essayer Ouais. de démarcher, tout ça. C'est un métier, tu vois, moi je ne le connaissais pas, et puis ça fait bizarre. Donc voilà, donc à un moment donné, j'ai cessé l'activité, j'ai eu. Le club de Tournefeuille en Fédéralune, qui montait en Fédéralune justement, Oui. qui m'ont sollicité. Donc j'ai entraîné le club de Tournefeuille pendant 4 ans. Là, je me suis régalé, et je me suis découvert une passion, et de transmettre, en fait. Oui. Et transmettre et aider. Et ça m'a plu, tu vois. Mais je ne le définissais pas, je n'arrivais pas à le verbaliser. Oui. Mais inconsciemment, ça me plaisait. Donc je me suis lancé là-dedans. Bon, j'avais déjà mon DEGEPS que j'avais validé sur Rouen. Donc j'ai fait 4 ans. On a fait des bonnes années. Il y avait un super groupe, des super Oui. joueurs. On a fait des bons résultats, tu vois. Béziers à Tournefeuille, enfin des choses un peu Ah oui. inespérées, tu vois. Et ensuite, Blagnac m'appelle. Donc je pars à Blagnac, et là j'entraîne pendant 3 ans l'équipe première de Blagnac. Donc toujours dans cette transmission, ce désir de donner l'expérience que j'avais eue pendant ma carrière professionnelle. Et puis au bout des 3 ans, bon après tu sais les discours s'usent, donc voilà, j'avais besoin de faire autre chose. Et j'ai toujours entendu parler qu'en France on n'avait pas de piliers, qu'il n'y avait pas de formateurs, qu'il fallait partir à l'étranger chercher des Oui. piliers. Alors j'ai rien contre les étrangers, au contraire, je les adore, hein, mais à un moment donné, quand tu entends ça, et en plus tu étais entraîneur, donc tu vois ce qui s'est passé, tu vois Oui. ce qui se passe. Et tu vois que ouais, tu es obligé à un moment donné d'aller chercher des piliers, en fait des gens du 5 de devant à l'extérieur. Mais ça te fait un peu mal au bide et tu te dis quand même, ben au lieu de parler, de critiquer comme tout le monde, et parce que tu Oui. l'as fait aussi, ben tu vas t'y consacrer. OK. Voilà, tu vas t'y consacrer, et parce que j'ai rencontré des piliers en difficulté, et ils n'avaient aucune réponse à leurs questions. Et voilà, j'ai trouvé ça. Un peu injuste pour eux, et moi je l'ai vécu en tant que joueur. Oui. Et c'est vrai que quelqu'un qui peut justement t'éclairer sur tes problématiques, ben j'ai trouvé ça important, et en fait c'est un peu le rôle que j'ai aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, voilà, je suis au service des joueurs, quoi. Oui. Et surtout de première ligne. C'est un poste qui est très difficile. On te demande d'être aujourd'hui bon dans le jeu et bon en mêlée. Mobile, oui, Mobile, tu vois, bon dans le intelligent, jeu, oui. voilà, tout ce que j'étais pas dans le jeu, tu vois, on te le demande aujourd'hui. Oui. Mais par contre, on te demande d'être bon en mêlée, quoi, de tenir ta mêlée. Alors on te demande d'être bon en mêlée, mais on te dit comment il faut faire, mais on te donne pas les outils, on te l'explique pas. Et alors pas par manque de savoir, au contraire, il y a des gens très compétents pour ça, mais je pense par manque de temps, Oui. par plein de choses, quoi. Et si tu veux, aujourd'hui, voilà, moi j'aime les premières lignes, voilà, c'est. Mes meilleurs potes, c'est des premières lignes. Oui. Et ça m'embête de voir des jeunes qui sont en difficulté à cause de la mêlée. Donc à partir de là, bon, je la planchais avant, mais je m'y Oui. suis vraiment intéressé. Tu vois, j'ai bossé sur la biomécanique, la physiologie. J'ai essayé vraiment de comprendre le schmilblick. J'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Oui. Donc tu vois, j'ai repensé à ce que j'avais vécu. Je me suis imaginé tu vois, des situations, comment résoudre cette situation-là. Donc voilà, donc je me suis construit. Ensuite, j'ai commencé à. Il y a des joueurs qui sont venus vers moi. Ils m'ont exposé leurs problématiques. Donc j'ai bossé avec eux. Et puis voilà, et puis je me suis construit autour de ça. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive, oui, parce que j'ai pas de mauvais retour. Et je pense que les joueurs qui viennent me voir. Ont moins des réponses à leurs problématiques. Oui. Et qui n'ont pas forcément dans leur club, chose qui n'est pas, on va dire, c'est pas négatif de dire ça, c'est question de temps aussi, parce que j'étais entraîneur aussi. Tu sais très bien que quand tu es entraîneur, et bien le rugby, tu es entraîneur des avants, tu dois bosser la touche offensive, touche défensive, les mauls, défense sur maul, joue autour du ruck, défense autour du ruck, le déblayage, enfin il y a plein de choses, plein de paramètres, réception de coup d'envoi. Oui. La mêlée, enfin, il y a tellement de paramètres à caser sur une semaine que tu peux pas être bon partout, et à un moment donné, tu rentres moins dans le détail de certaines choses, quoi. Donc, si tu veux, moi, je suis ce que je mets en place en ce moment, c'est vraiment un accompagnement des joueurs et même entraîneurs qui veulent Oui. échanger, parce que je sais qu'il y a des entraîneurs qui n'ont pas forcément un avis ou même un goût pour la mêlée, tu vois, et c'est dommage qu'ils soient en difficulté, voilà. Oui. Et du coup, cette structure d'accompagnement, ça fait combien de temps que tu l'as mise en place? Mais écoute, là, la structure, je suis en train de la monter, Oui. parce que je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent et qui viennent me voir. Mais sinon, ça fait 3 ans, ça fait ma 3e année là. Oui. Que je m'occupe justement au cas par cas de première ligne, sachant que depuis 3 ans aussi je m'occupe du pôle jeune de Blagnac. D'accord. Voilà, parce que Blagnac a misé sur la formation et justement sur une formation de la mêlée. Donc voilà, et là si tu veux, j'ai de plus en plus de demandes de l'extérieur. Donc voilà, je veux me structurer déjà moi pour être protégé et puis. Et puis voilà, pour être reconnu et présenter quelque chose de sérieux. D'accord, parce qu'au début, les joueurs qui venaient te voir étaient plutôt dans le Grand Toulouse. Oui. Et là, ça commence un peu à s'éparpiller. Alors, il y a des clubs qui ont fait appel à moi. Donc, Oui. tu vois, il y a le club de Rodez qui m'a demandé, parce que je connaissais l'entraîneur, il y a le club de Rouen qui m'a demandé d'intervenir sur leur Oui. semaine de finale quand ils ont rencontré Mâcon. Oui, finale Jean Prat, oui. Voilà, la finale Jean Prat, exactement. Et ensuite, j'ai beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux pour montrer ce que je faisais un petit peu et justement pour montrer aux joueurs que, il y avait peut-être une réponse à leur problématique. Oui. Voilà, et là, il y a des joueurs qui se déplacent de plus en plus, qui viennent me voir. Donc voilà, donc aujourd'hui, je veux monter une structure. Ouais. Et toi, quand tu étais joueur, tu avais reçu ce type d'enseignement? Non, pas du tout, non. Non, ce type de formation? Ben, en fait, j'ai eu la chance de découvrir le début du professionnalisme, en fait, dans les Oui. années 2000, tu vois. Donc aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup plus entourés, mais nous, non, on n'avait pas de préparateur, on va dire, spécifique, on va dire, Oui. d'entraîneur spécifique sur le lancer, d'entraîneur spécifique sur la mêlée. Mais on se débrouillait. Alors il y avait des consignes des coachs, bien sûr. Oui. On parlait énormément entre joueurs. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivé à Clermont, il y avait Abraham Tolofua et Marmite Galasso Oui. qui me parlaient énormément, qui m'ont conseillé. Donc tu vois, on a construit des choses ensemble. Mais sinon, il y avait Laurent Travers qui donnait ses consignes. Mais c'était, voilà, c'est à un moment donné quand j'avais des problématiques. Et je pense que je ne suis pas le seul Oui. dans ce cas-là, et je pense qu'on est beaucoup là-dedans. Il n'y avait personne, par manque de temps ou de moyens, qui pouvait y répondre, quoi. Il faut le faire comprendre parce que c'est pas évident, quoi. Oui. Puis aujourd'hui, le professionnalisme, c'est un peu marche ou crève, quoi. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, Frigo. on n'a pas de temps à te consacrer, mon petit gars. Il y en a 10 qui tapent à la porte, Ouais. donc on va aller regarder ce qu'il y a derrière la porte, et surtout à l'étranger. Oui. Donc voilà, donc si tu veux, j'étais entraîneur, je l'ai fait. Ouais. Voilà, aujourd'hui je parle de quelque chose que moi aussi j'ai fait. Parce que quand t'es entraîneur, t'es sollicité, t'es pris par le temps, t'as une Mis sous pression de pression. résultat, c'est enfin. Voilà, tu peux t'imaginer. Donc voilà, voilà comment je. Enfin, ce que je fais en ce moment. Donc, mais du coup, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est toi en tant que joueur, t'avais un amour particulier pour la mêlée et la touche. Dès le début, ça t'a plu? Ou c'est venu progressivement avec le travail, l'exercice, la réflexion? Ben écoute, au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai découvert la touche, le lancer, la Ouais. mêlée. Et après je me suis dit, voilà, si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir que tu travailles. Ok. Donc je me rappelle, moi, le lancer, le mercredi après-midi, j'étais chez mes parents avec un mât de planche à voile que mon père Oui. m'avait fabriqué avec un petit tuyau en haut. Et je m'amusais, enfin je travaillais Ouais. pendant que mes copains se voyaient, sortaient, tout ça. Moi j'étais dans mon jardin avec des ballons. Un seau avec de l'eau et de la boue Ouais. pour tremper les ballons, parce que c'était les Wallabies à l'époque. Oui. Je m'entraînais comme ça tous les mercredis et j'ai bossé jusqu'à trouver mon geste. Ça a été long, Oui. mais j'ai réussi à le trouver rapidement. Peut-être qu'un coach m'aurait aidé à le trouver plus rapidement, Oui. mais ça, je l'ai eu à 18 ans, je l'avais. Et c'est ce qui a fait que Laurent Travers, justement, me fasse monter des espoirs en première à Clermont. C'était évidemment pour la mêlée, mais aussi pour le lancer. Voilà, c'était mon truc. Ouais. Mais je l'ai énormément travaillé. Donc déjà, j'avais une réflexion, si tu veux, de comprendre le geste, d'analyser ce que je faisais, tu vois, de mettre en place des choses pour évoluer. J'avais une réflexion déjà sur mon lancer. La mêlée, pareil. Là, je sais que c'est Philippe Marocco de Clermont qui Oui. m'a beaucoup apporté quand je suis monté à Clermont. Mais après, tu vois, je faisais je me rappelle, avec mes deux piliers en espoir, avec Alexandre Louis et Jonathan Fercousse, on se donnait rendez-vous avant l'entraînement et on tapait contre le joug. On Ouais. tapait, on cherchait des solutions. Voilà, ça vient pas tout seul, quoi. Donc, si tu veux, à partir de là, ça a été un peu mon credo. Et même quand j'étais joueur, j'essayais de comprendre, mais de mon côté, quoi, parce qu'il Oui. n'y a personne qui te dit comment faire pour la mêlée, pour la touche, surtout à l'époque. Changer ton appui, des fois il y a des Ouais. trucs très simples que tu mets en place. Tu vois, donc j'ai eu cette approche-là sur mon jeu. Puis quand j'ai arrêté de jouer et quand j'ai commencé à entraîner, et là, au bout de 7 ans entraîneur en Fédéral 1, que ce soit Ouais. Tournefeuille ou Blagnac, je me suis dit, bon, mais voilà, maintenant, T'as envie d'enseigner, quoi, t'as envie de faire comprendre des choses, t'as envie d'aider les joueurs. Ouais. Parce que quand t'es entraîneur, et c'est vrai que nous on a été élevés comme ça, on a eu des entraîneurs, c'était marche ou crève, quoi. C'était t'appliques le jeu, point barre, sans trop te l'expliquer. Et je sais que bon, moi, et comme beaucoup, ça a fonctionné pour certains, Oui. pour moi, pas trop, parce que je comprenais pas ce que je faisais, j'avais pas un jeu de rugby intelligent, tu vois. Moi, c'était défoncer les types et puis point barre, quoi. Ouais. C'est tout. Donc, quand j'étais entraîneur, ben, pareil, j'étais exigeant avec mes joueurs, mais j'avais pas le temps vraiment de rentrer dans le détail, de leur expliquer le truc. Et puis, même eux, en Si tu fédéral retrouvais une, ils pas. sortaient du boulot, Ouais. tu vois. Donc, ils Si s'y tu... retrouvaient pas, moi non plus. Ouais, pas totalement, de ton côté. Exactement. Ouais. Donc, là, j'ai décidé de mettre un stop à entraîner, justement, Oui. et voilà, à me consacrer à aider les joueurs à les rendre autonomes. Donc Oui. pour ça, il faut leur faire comprendre des choses, leur expliquer des choses, quoi. Et ils ont besoin. Ils ont besoin. Aujourd'hui, ils ont besoin, les joueurs. Et de plus en plus, la nouvelle génération a besoin de ça. Et Nous, on quand... est, nous, on était sur l'ancienne génération où on nous a appris, même si on était très bien encadrés et éduqués par nos parents et tout ça, Oui. mais on s'est vite démerdé tout seul, quoi. Aujourd'hui, ben, les jeunes ont un peu tout, et tu vois, rien que par les téléphones portables, tout ça, ils ont tout tout de suite. Donc, eux, ils sont habitués à ça, donc il faut arriver à leur renseigner les choses, à leur transmettre les choses, mais pas leur donner, comment te dire, tout leur donner. C'est-à-dire Oui. que j'ai ma manière de faire, et si tu veux, quand un joueur vient me voir, je lui dis, tu n'es plus tout seul, déjà d'une, et ensuite, c'est on va construire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que je sais, je l'analyse, je vois, c'est évidemment ce qu'il a travaillé, mais après c'est lui qui va trouver. Donc bien entendu, je l'aiguille et tout ça, mais le but c'est de rendre le joueur autonome, quoi. Oui, donc et comment tu sais qu'il est autonome à un moment donné? Comment je sais? Ben, déjà ça se voit sur le terrain, Oui. et c'est lui qui te le dit aussi, à un moment donné, tu vois. Donc après, c'est là on parle d'apprentissage. Il y en a qui arrivent à mettre les choses en application rapidement et à les intégrer, les automatiser. Et il y en a d'autres, il faut un peu plus de temps, mais voilà, c'est une question d'homme, quoi. Oui. Ok. Et donc tu me disais que ces derniers temps, ça commence un peu à s'éparpiller. Il n'y a plus que des joueurs de Toulouse qui viennent à toi. Il y a aussi des joueurs d'un peu partout en France. Oui. Mais du coup, la démarche reste la même. Tu as un appel téléphonique avec eux avant. Tu as une rencontre. Tu as une analyse de ton côté. Comment ça se passe concrètement, peut-être avant de passer sur le terrain avec le joueur et de l'accompagner sur ce qu'il ressent vraiment. Bah écoute, déjà, le joueur m'appelle, Oui. donc voilà, il me demande, enfin, il me fait part qu'il est intéressé de savoir comment je travaille. Donc je lui explique par téléphone, et après je lui demande des vidéos, bien entendu. Et après, de mon côté, j'analyse, et après je le rencontre. OK. Voilà, donc évidemment, moi j'ai un travail à côté, donc je travaille à la ville de Tournefeuille, je suis formateur. Donc Oui. je peux pas me déplacer tout le temps. Et c'est mon travail, et c'est ma passion en plus, formateur. Je suis formateur SST, sauveteur Oui. secours au travail, et c'est une passion de former, tu vois. Donc les joueurs se déplacent, alors maintenant ils se déplacent de loin, et donc je les reçois, donc j'ai la chance de les recevoir sur le club de Blagnac. Oui. Voilà. Et puis là, je les analyse, et puis je leur fais part de mon analyse, et je leur fais... Voilà, je leur demande aussi les problématiques, et on commence à construire tous les deux, quoi. Ok. Donc sur le terrain, puis après il retourne dans son club, il expérimente, il te rappelle, il te renvoie des vidéos. Ouais. C'est un lien qui se crée entre vous deux de manière grâce au téléphone. Oui, tout à fait. Et voilà, et donc vous arrivez à interagir et les évolutions, tu vois, bah, chez tes piliers, tes talonneurs, pour toi, elles sont rapides ou ça prend du temps? Écoute, en fait, là, on est sur de l'humain, on n'est pas sur des machines. Ouais. Donc, il faut savoir que chaque humain est différent, et chaque personne a sa propre capacité d'intégration des nouvelles choses et de mise en application, et Oui. surtout d'automatisation. Donc, ça peut aller très vite pour certains et un peu moins vite pour d'autres. Mais généralement, il y a de bons résultats, quoi. Les Ouais. joueurs m'appellent rapidement et ils me disent qu'ils ont de meilleures sensations. Après, ils ne renversent pas des mêlées parce que la Oui. mêlée, ce n'est pas individuel, c'est collectif. Mais déjà, eux, sur leur position et sur leur compréhension de la mêlée, ils sont bien mieux. Oui. Oui. Moi, pour mon cas personnel, ça a été le cas lorsque j'avais travaillé avec toi. C'est vrai que mais ça m'a fait comprendre des choses et ça m'a amené aussi à avoir un peu plus de plaisir et d'exaltation avant l'affrontement. Parce que maintenant, je savais ce que je pouvais faire de bien, quoi. Alors qu'avant, c'était un peu la loterie. Des fois, tu as une bonne sensation, tu comprends pas pourquoi. Des fois, tu as des mauvaises. Enfin, tu te sens bien avant la mêlée, mais au final, ça se passe pas du tout bien. Enfin, tu as du mal à avoir un réel retour sur expérience. Tandis que là, avec toi, ce qu'on avait pu mettre en place, c'est une routine individuelle et qui amenait aussi une meilleure routine collective. Donc, ça me permettait, comme je t'ai dit, là, le petit sentiment d'exaltation dans la mêlée que j'avais pas forcément beaucoup connu auparavant. Voilà pour mon cas. L'objectif, il est là quand même. Ouais. Il est quand tu es joueur de rugby, bon, surtout que les règles ont évolué. Oui. À l'époque, tu te servais beaucoup de l'élan que tu mettais à l'impact pour t'imposer et tu avais des joueurs très lourds et puis on arrivait quand même à combler des manques techniques. Aujourd'hui, l'impact est réduit, tu es placé. Donc si tu n'es pas bien placé, ben, tu perds ton duel. Si Oui. tu perds ton duel, tu perds ta mêlée. Donc à partir de là, à l'époque, on nous disait, il faut que tu te baisses le plus bas possible et que tu rentres le plus fort possible et que tu Ouais. avances. C'était les mots des entraîneurs. Maintenant, ben, nous, on mettait un grand coup de cabeye et puis c'était celui qui faisait sa place et puis Ouais. c'est celui qui avait gagné. Si tu regardes bien aujourd'hui, comparer les premières lignes d'il y a les 10 ans et les Oui. nouvelles premières lignes, ben, tu regardes les oreilles. Mais c'est vrai. Tu regardes juste les oreilles des premières lignes d'il y a 10 ans et des nouvelles premières lignes. Les premières lignes de maintenant, elles n'ont plus de chou-fleur. Ouais, Ce qui était la marque du rugbyman. c'est vrai. Mais il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il y a y a des choses qui ont été oubliées avec ces nouvelles règles. Donc si tu veux, moi, dans ma façon d'aborder les choses, je leur rappelle ce que c'est que la mêlée. Et puis leur faire comprendre qu'est-ce que c'est et comment utiliser tous les outils qu'on peut leur donner. Parce que le but c'est ça, parce que dire oui, il faut que tu sois plus droit, il faut que tu ailles Ouais. chercher le mec comme ci, comme ça, tout le monde l'a entendu. Mais bon, pour l'instant, personne ne te l'a montré en vrai. C'est ça. Voilà. Donc si tu veux, et puis si tu n'y arrives pas, alors si tu y arrives, c'est très bien parce que tu colles avec ton entraîneur, et si tu n'y arrives pas, tu es une merde. Ouais. Et puis on va voir ailleurs. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est justement... Par rapport aux objectifs de l'entraîneur, par exemple, qui demande un pilier de pousser de telle ou telle manière, et moi je rentre là-dedans, si tu veux, par rapport à ce que dit l'entraîneur, c'est de bien expliquer au joueur, de lui faire ressentir, de lui faire comprendre les choses, Oui. et justement qu'il puisse après répondre aux attentes de son entraîneur. Et en plus, en France, on a quand même une culture très marquée sur la mêlée, quoi. J'ai les piliers anglais que j'ai pu rencontrer, il y en a certains qui avaient joué en première division anglaise, en Premiership. Et quand ils jouent les clubs anglais en H-Cup ou en Challenge Cup, ils disent, bon, parfois on gagne, mais dans tous les cas, on se fait défoncer en mêlée parce que c'est votre truc, quoi. Voilà ce qu'ils nous disent les Anglais. Et t'as une idée pourquoi c'est si imprégné chez nous la mêlée? Ça a une telle culture, une telle importance. Parce que tu vois, au final, ça a une importance cruciale la mêlée dans l'esprit de la plupart des effectifs et de la plupart des entraîneurs. Mais il est vrai que la manière dont on la travaille, elle est parfois trop collective et pas assez individuelle. Donc pas tous les joueurs s'y retrouvent. Écoute, je pense que déjà en France, on est un pays latin. Ouais. On aime bien se mesurer la taille de la bistouquette, hein, Ouais. constamment. Donc je pense que c'est une phase de jeu du rugby qui aujourd'hui regroupe 16 personnes, Ouais. remplies de la testostérone qui déborde, Mmh. tu vois, sur peu de mètres carrés. Et c'est quand même une phase de rugby où on te laisse quand même la possibilité de t'expliquer à l'adversaire. Bien entendu, les règles ont évolué et c'est vrai que. Moi, honnêtement, au début, j'étais contre d'enlever l'impact, mais aujourd'hui, tu t'aperçois que c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup moins d'accidents sur les mêlées. Mais il y a un petit impact Ouais. qui est pas négligeable et tu peux quand même t'expliquer avec tes adversaires. C'est un des seuls sports collectifs où tu peux vraiment, sur peu de mètres carrés, t'expliquer quoi. Oui. Et c'est vrai que pour ceux qui ont pratiquer la mêlée et tout ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire, enfin, je m'en fais de toi, Oui. t'es talonneur, donc on est talonneur tous les deux, on sait très bien que se retrouver sur une mêlée là, au milieu de tes potes, et quand t'avances, ou quand même quand c'est dur, Ouais. ben, c'est super bon, quoi. C'est pour ça, moi, c'est pour ça que je faisais du rugby, parce que j'adorais la mêlée. Les deux contre un, c'était pas mon truc, tu vois. C'est ce qu'on m'a reproché plus tard, Oui. mais moi, le rugby, c'était la mêlée. La mêlée, c'est ce lien que tu as avec tes coéquipiers, et ça te transcende, quoi. C'est 8 mecs qui composent une seule personne, quoi. C'est 8 entités. Si l'amalgame marche bien, tu te Ouais. sens puissant, quoi. C'est vrai. C'est génial, quoi. C'est quelque chose. Ouais, c'est un combat perpétuel, une remise en question. Tu vois, je suis d'une famille de judokas, sport individuel. Et si tu veux, le judo ou les sports de combat, c'est un contre un dans un ring ou sur un Oui. tatami. Tu t'expliques avec ton adversaire et je peux te dire que des fois c'est salé. Et là, c'est collectif en plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, avec les nouvelles règles, on a perdu un peu de temps parce qu'on a oublié cet esprit de combat. Il y est, cet esprit de combat. Oui. Évidemment, les nouvelles règles ont fait que le rugby va vachement évoluer. Tu peux plus balancer de petites gifles sous la mêlée. Voilà, tous ces gestes-là sont bannis du rugby et tant mieux, heureusement pour la nouvelle Oui. génération qui arrive. Mais il y a du combat. Et tu peux le voir même tous les week-ends en top 14 ou en Pro D2, il y a des sacrées explications en mêlée, quoi. Et mine de rien, c'est que quand tu avances, t'es le roi du monde. Quand tu perds, ben c'est. Quand tu recules, t'aimes pas ça, quoi. T'aimes pas ça. Et alors à l'époque, il y avait les secondes lignes qui passaient le bras, justement pour éviter que les autres te poussent trop. Maintenant, Oui. t'as plus cette solution-là. Donc, c'est encore beaucoup plus, si tu veux, beaucoup plus poussé. C'est-à-dire que, on te montre vraiment du doigt. Il y a des vidéos, donc C'est vrai. on sait qui a fauté dans la mêlée, qui est pas bien, le pilier, il est tombé, machin, tout ça. Donc, c'est devenu très précis, très technique. Parce que quand t'es pilier, que tu recules en mêlée, et qu'en plus on te pointe du doigt, t'es montré à la caméra, et que t'as pas d'explication. Parce qu'il faut pas dire, les piliers, enfin tous ceux qui jouent au rugby, ils aiment pas reculer. Voilà, et c'est vrai que d'entendre certaines personnes dire, ouais, lui, il a pas de mental parce qu'il recule en mêlée, tout ça, aujourd'hui je n'y crois plus à ce discours. J'y croyais à un moment donné. Ouais. Parce qu'on a été élevé comme ça. En tant que joueur, tu En croyais? tant que joueur et Ouais. même en tant qu'entraîneur. Ok. Le mec qui reculait, machin, il n'avait pas d'orgueil, tout ça. Aujourd'hui, j'y crois plus. Ouais. Aujourd'hui, je pense que. Et bon, il y a des joueurs qui sont venus me voir et qui étaient en perte de confiance et tout ça et qui ont subi ces discours-là. Et en fait, si tu veux, en leur expliquant les choses, en les faisant travailler, en les faisant comprendre les choses, et rien que se corriger techniquement, ils ont tenu leur mêlée. Ils n'ont pas défoncé Ouais. l'adversaire, mais ils ont tenu leur mêlée. Donc aujourd'hui, j'y crois plus à ce discours-là. Je pense que tous ceux qui montent sur un terrain de rugby, ils ont envie d'en découvrir. Maintenant, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Et la mêlée, parce qu'on parle essentiellement de la mêlée, il y a tellement de différences. Le joueur, déjà, il y a une différence au niveau de tous les morphotypes, le Oui. physique, y compris la puissance de chaque joueur, la technique. Et après, ça reste un sport de combat, c'est celui qui aura plus envie de déstroncher son adversaire qui gagnera le duel. C'est comme un match de boxe. Bien entendu, un match de boxe, il y a de la technique, il y a une différence de poids, tout ça. Mais à un moment donné, c'est celui qui aura le plus faim, qui aura toutes ses chances à un moment donné, si les niveaux Sont sont égaux. égaux, de remporter le duel, quoi. Mais on l'a oublié, ça. Moi, je trouve qu'on l'a oublié. Et en plus de ça, les joueurs qui viennent me voir ou que je vois même jouer, tout ça, ils l'ont en eux. Ils l'ont, ce sont des êtres humains. Et c'est pas parce que c'est une nouvelle génération qu'ils ont tout oublié, ils l'ont, on est des êtres humains. Et ça, justement, il faut le faire ressortir. Dans les règles, bien Oui. entendu, mais. Parce que les joueurs aujourd'hui, ils arrivent en mêlée, ils pensent, ils réfléchissent plus au combat, ils réfléchissent à la technique. Comment je vais faire pour. T'as déjà perdu ton combat, Kiki, parce que l'autre, il est déjà sur la face, je vais te défoncer la tronche. C'est ça. Voilà. Le mec qui arrive en mêlée, qui se dit. Putain, comment je vais mettre mon épaule, comment je vais le travailler? Ben, c'est fini. Donc le but, c'est ça, c'est arriver à expliquer aux joueurs qui se posent qui ont des problématiques, Ouais. mais de de répondre, d'essayer de répondre à ça. Parce que je dis bien essayer, je dis pas que j'ai toutes les réponses, et ça serait prétentieux de ma part. Et puis il y a celui qui te dira, moi je connais la mêlée, ben, c'est pas vrai. La mêlée, c'est ça qui la rend magnifique, c'est que c'est vivant. C'est vivant une mêlée. Tu vois, c'est extraordinaire, j'ai envie d'en chialer, quoi. Tu vois? C'est extraordinaire. C'est ce qui se passe dans une mêlée. Tu vois des mecs heureux, des mecs en chier, des mecs tristes après un match. Voilà. Moi, j'ai plus envie de voir de mecs. Enfin, j'ai plus envie. J'ai envie d'essayer de voir des joueurs heureux et voilà, de pratiquer le sport avec un sourire. Il y a pas mal de joueurs qui sont venus me voir qui m'ont dit, putain, mais j'aime la mêlée. Alors qu'avant, ils faisaient de la mêlée parce qu'ils avaient le physique. On leur a dit, maintenant, allez, tu passes pilier. Ben, c'est pas un cadeau. C'est ça. Et ils ont fait quelques années comme ça, ils l'ont eu dur. Et aujourd'hui, les mecs, ils me disent, putain, j'aime la mêlée. Mais pour moi, c'est super. C'est ce qui me fait vibrer, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ce qui me fait vibrer. Aujourd'hui, c'est aider tous ces joueurs, soit qui sont en difficulté, ou soit ceux, justement, qui cherchent le petit détail qui fait Pour passer un que cap, passer un cap. ouais. Parce que c'est ça qui est beau. Les piliers, tous les joueurs de première ligne ont des problématiques différentes. Alors, il y en a qui se ressemblent. On va te dire, ouais, moi, il y en a qui vont dire, j'ai un problème à l'impact. Mais oui, mais c'est différent parce qu'il y a des morphotypes, il y a des puissances différentes, il y a un collectif différent. Oui. Tu vois, le collectif, on en parle. Quand il y a un pilier qui vient me voir, je ne l'isole pas de sa mêlée. Déjà, par respect pour le club, l'entraîneur et le groupe, il y a un travail préalable. J'étudie la mêlée collective. Je vois comment ils font à peu près. Oui. Et l'objectif pour moi, c'est de le laisser dans sa mêlée et par contre de lui faire comprendre ce qui ne va pas, qui fasse qu'il ne se trouve pas bien dans sa mêlée. Tu vois? Mais en aucun cas, je vais perturber un mec sur toute sa posture et Ouais. qui sera pas bien dans sa mêlée. Déjà, l'entraîneur, il va rien comprendre. Et Oui. puis, ouais, et puis voilà. Et puis, j'aimerais pas qu'on me le fasse, je le ferai pas, quoi. Et c'est logique. Si tu veux que ton joueur progresse et puis lui amener des réponses à des problématiques, déjà il faut le laisser lui faire comprendre comment travaille son collectif. Par exemple, un droitier, son talonneur, son gaucher, comment il travaille, Ouais. en fonction de eux, ben, tu le règles pour eux. Donc si tu veux, c'est ça qui est génial dans cette activité, c'est que tu rencontres des problématiques qui peuvent ressembler mais qui sont différentes parce que les collectifs ne sont pas les mêmes. Tu rencontres des problématiques totalement différentes parce que les morphotypes sont différents, enfin, les caractères sont différents. Enfin, on est sur de l'humain. Ouais. On est sur de l'humain, quelque chose qui vit et est composé de 8 mecs contre 8. Ça fait 16. 16 personnes différentes avec des morphotypes différents. Et arriver à créer quelque chose, tu vois. Ça, c'est pas mon rôle parce que le collectif, c'est les entraîneurs qui le font. Oui. Mais mon rôle, c'est de faire comprendre au joueur quelle est sa place dans la mêlée, quel est son rôle et quelles sont les erreurs qu'il commet, lui expliquer et lui faire essayer des choses, tu vois. Et voilà quoi. Je parle trop peut-être. Non, non, c'est génial. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je t'écoute, j'ai aucune question qui vient, tellement je suis absorbé. Mais tu vois, il y a juste un truc qui m'est venu pendant que tu parlais, et c'est l'épisode numéro 3 que j'avais publié. C'est avec Xavier Tchouki, le pilier gauche de Toulon. Donc moi, j'ai joué avec lui, il est de ma génération. J'ai commencé le rugby avec lui à La Valette, à 13 ans. Ce mec-là, il a toujours été talentueux, il s'est jamais posé aucune question. Et encore plus quand il est passé pilier gauche. Enfin, quand il est passé pilier à 15 ans, 16 ans, parce qu'il jouait 8 avant, en jeune, tu vois. Et ce mec, ça a toujours été naturel ou instinctif chez lui. Et dans l'épisode, il te raconte que bah, des fois, ça décortique tellement la mêlée bah, qu'il en perd son latin. Alors que chez lui, par exemple, il a cet avantage, peut-être par rapport à d'autres, où ça a toujours été naturel. Je sais que tu n'as pas encore écouté l'épisode à l'actuel, mais il te plaira l'épisode avec Keke, parce qu'il parle de ça que. Ah putain, et une fois même, il était passé droitier, une fois, boum, il avait été super bon, en jeune, en U18 ou U19 France. C'est inné. Et ouais. Il y en a qui le sentent. Voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, la posture de la mêlée. J'en parlais il n'y a pas longtemps à certains entraîneurs. Pourquoi aujourd'hui les Géorgiens ont Ouais. quand même un gabarit qui est fait pour la Ah, mêlée? exactement, Comparé à nous, Européens. oui. Ouais. Nous, notre éducation, c'est quoi? les Européens, de maintenant, on va dire. Ouais. C'est le téléphone portable, les jeux vidéo. Donc, si tu veux, ta stature, ta posture, elle est portée, rentrée et fermée. Ouais, là, maintenant, on te demande quoi ? D'ouvrir. Les Géorgiens, je parle avec tous mes amis géorgiens, eux, ils sont élevés au biberon, ils sont déjà dans les salles d'haltérophilie, donc portés sur l'ouverture, et ils font de la lutte. Donc, ouais, ils utilisent leur corps en plus pour le combat. Donc ils ont l'affrontement corporel. Eux, chez eux, c'est inné cette posture. Bon, pas tous, mais il y en a où tu as des très très bons piliers géorgiens. Totalement. Tu vois, et par exemple, pour les Européens, les Français, il faut le travailler. Ouais. Il faut qu'ils arrivent aussi à comprendre leur corps. Comment veux-tu t'ouvrir si déjà tu es fermé sans rien faire? Donc déjà, tu vois, il y a tout un truc, un travail physique et puis même mental, je pense, de la conception de son corps. Ouais. Et c'est ça qui est beau, la mêlée, parce que c'est un sport dans un sport. Ouais, c'est ça. C'est que là, on parle de rugby, mais là, on n'a pas parlé de rugby, on parle de mêlée. Ouais, c'est vrai. Et t'as l'impression de parler de mêlée comme un sport comme un match, c'est ça. Tu vois, la chance du 15, et ceux qui aiment le 15, les 15istes, j'adore le 13, j'adore tous les sports de toute manière, mais... Quand j'entends qu'on veut supprimer la mêlée, mais comment tu veux supprimer c'est impossible, c'est notre terroir, c'est le terroir de notre sport, c'est l'essence même, c'est l'adrénaline, c'est tout ce que, tu vois, et il y a des gens qui veulent l'enlever, alors moi ça je boue tout ça parce que ça va pas assez vite pour la télé, bordel, qu'ils essayent d'enlever, je pense que si tous les piliers, tous les... descendre dans la rue, ça va faire du bruit quand même. Ouais. Ah ouais, une petite manifestation. Petite manif là. Ouais. Tu vois, non, mais c'est vrai qu'on perdrait. Ça perdrait tout son sel. Le rugby serait plus le même. Ouais, parce qu'au 13, ils font des mêlées simulées. Mêlées simulées, après. C'est que des troisième lignes et des centres. Voilà, on a la chance que le 15, c'est un sport pour tous. Ouais. Les petits, les grands, les gros, les mains. C'est tout. Mais la mêlée en fait partie, c'est grâce aussi à la mêlée que les gros gabarits peuvent aussi s'imposer. Ouais. Et, tu vois, des petits trapus. Se sentir utile. Se sentir utile, c'est important ça aussi. Totalement. Mais du coup, cette évolution de la mêlée, t'as bien vu depuis que tu joues. Est-ce que déjà, quand toi tu jouais, on cherchait à réduire l'importance de la mêlée ou l'importance de l'affrontement? Ou c'est arrivé après la fin de ta carrière? Au contraire, la mêlée, c'était un gros duel. Tout le monde attendait ça. Tout le monde attendait des duels de mêlée. Tout le monde attendait le choc. Ouais. Proc. Tout le monde attendait ça, le coup de cabaye sur son adversaire. Le cloque. Ah ouais. Tu vois, tout le monde attendait ça. Mais oui, les règles. Après, je pense que on en revient à la formation. Par manque de formation, il y a des jeunes qui se sont mis en danger et qui se sont fait mal. Maintenant, les règles ont évolué. Tant mieux. Aujourd'hui, je suis pour. Oui. Tant mieux. Maintenant, il ne faut pas rendre la mêlée stérile. Mm. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle franchisse un autre cap. Je pense qu'il faut que voilà, il faut que si elle doit évoluer, il faut plus la rendre stérile. Déjà, elle a bien évolué. Je pense que au niveau des accidents de mêlée, il y en a très peu. Oui. Il y en a très peu. Il y en a plus sur les plaquages aujourd'hui. Exactement. Il y en a très peu, mais ça reste quand même une phase où les joueurs peuvent s'expliquer. Voilà, il faut faire attention de ne pas la rendre stérile. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'assister à des beaux combats et puis d'avoir des gladiateurs, on les a encore. Oui. On les a. Et il y a des joueurs aujourd'hui ou un pack qui te fascine? Aujourd'hui, pour moi, il y a deux packs. Il y a deux packs qui me plaisent vraiment. Et le pack du Stade français, la mêlée. La mêlée du Stade français, vraiment. Le Stade français a retrouvé sa mêlée. Oui. Clermont. Alors, c'est marrant, c'est deux clubs dans lesquels j'ai joué. Ouais. Mais je ne parle pas comme. Je suis pas chauvin, mais je reconnais les joueurs, les qualités de chaque joueur qui sont dans ces clubs-là et la qualité des coachs aussi. Oui. Je pense qu'il y a un très bon travail qui est fait par les entraîneurs. Et tu le vois, en ce moment, là, la mêlée du Stade français, elle est ultra dominatrice et celle de Clermont, pareil. Quoi. Oui. Non, c'est. Voilà, il y a deux mêlées qui sont intéressantes. Après, tu as la mêlée de Lyon qui est pas mal aussi, qui est intéressante. La mêlée de La Rochelle, aussi intéressante. Non, c'est Et au niveau international? international. Écoute, on va dire, on va reparler des blagues. Ouais. Mais moi, j'en ai marre de parler des blagues. Ouais. Tout le monde parle des blagues. Et Tout le monde, donc? voilà, les blagues, les blagues, les blagues. D'accord, les blagues, ils sont en avance. Ok. Mais effectivement, ils sont très bons. Ils sont très bons. Malgré tout. Malgré tout, ils sont très bons. Mais pourquoi? C'est là où il faut se poser la question. Pourquoi? Ouais. Parce que ils ont un mec comme Mike Conn, Ouais. qui est spécialiste de la mêlée, sur l'individuel, sur le collectif, qui a fait un boulot énorme depuis mes X années, qui a su relayer un petit peu tout ça à d'autres entraîneurs, Voilà. qui sont sur la même longueur d'onde, qui bossent de la même manière. Et aujourd'hui, ils arrivent à avoir une mêlée ultra compétitive, alors que ce n'était pas du tout leur point fort il y a quelques années. Oui, que c'est pas une phase de jeu sur laquelle leur championnat se base. Exactement. Avant, quand la France jouait les blagues, Ouais, petit périmètre, ouais. petit périmètre, c'était la mêlée. Aujourd'hui, ben, eux, ils ont pris le problème à l'envers, comparé aux Français. Oui. Ils ont dit, bon, ben, écoute, on a un problème, on va le travailler et on va l'étudier. Ben, ils l'ont fait. Quitte à devenir même dominateur quand il le Ah, ils faut. sont Ouais. dominateurs. Aujourd'hui, c'est la mêlée qui sort tous ses ballons, qui est la plus propre. Oui, et qui arrive à récolter, j'ai l'impression, qui arrive à récolter les pénalités quand il faut. C'est ça. Voilà. Mais voilà, on parle encore des blagues. Ouais, c'est vrai. On arrête alors. On Et arrête. au niveau de la mêlée, tu penses quoi de l'arbitrage? Je sais que c'est un sujet. On crie souvent sur les arbitres pour tout et n'importe quoi. C'est vrai que la plupart, si ce n'est la totalité des arbitres qu'on voit au niveau, n'ont pas joué en première ligne. En tout cas, ils n'ont pas le gabarit Ouais. qui peuvent nous Alors laisser penser ils ont fait ça. un gros régime. Voilà, c'est ça. Vraiment une remise en question totale. Pas de côte de bœuf, pas du Voilà. poisson. Et du coup, t'en penses quoi de l'arbitrage en mêlée? Est-ce que, si toi on te mettait par exemple en tant qu'arbitre, tu sifflerais toujours juste, à ton avis? Non. Ouais. Non, c'est très Voilà. compliqué. Très compliqué, je leur tire mon chapeau. J'en ai déjà discuté avec certains arbitres. C'est une phase de jeu. Imagine-toi, pour un arbitre, il doit regarder. Il doit vérifier les alignements de chaque joueur, Ouais. les épaules sorties, il doit donner des commandements, L'introduction. l'introduction, il doit vérifier l'épaule de troisième ligne. Alors maintenant, il se fait aider par les arbitres de touche, la ligne d'hors-jeu. C'est très compliqué. Alors aujourd'hui, ils ont des observables Voilà. qui sont bien. Là, il y a une raie qui est sortie, il faut avoir les coudes, il faut que les piliers aient le coude haut Oui. et que le premier coude qui touche le sol. Ben c'est le pilier qui est pénalisé. Faut le savoir, ce sont les D'accord. observables pour les arbitres. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le pilier qui a posé le coude en Ouais. premier, est-ce que ça vient de lui ou pas? Voilà. Donc aujourd'hui, avec derrière un écran, avec un ralenti, tu peux comprendre les choses. Parler après, ouais. Mais sur l'instant T, mais c'est très compliqué. Et en plus de ça, ils n'ont pas le recul, ils sont sur la mêlée. Ils ne la voient pas de loin, ils la voient de près. Donc c'est très compliqué. C'est vrai. Non, non, et c'est une phase de jeu justement qui est bien ou mal arbitrée. On ne peut pas dire qu'elle soit mal arbitrée. Les arbitres sont des humains. On parle de la mêlée, tout ce qui nous entoure est fait par l'humain. Oui. On est des humains. Donc l'erreur est humaine. On a chacun notre façon de voir les choses, on a chacun notre sensibilité, donc à un moment donné on fait confiance à l'arbitre, heureusement qu'il est sur un terrain de rugby quand Oui. même, Oh oui, sinon. sinon ça serait pas le même spectacle, mais on fait confiance à un arbitre, mais même s'il se trompe, et bien, sur l'instant T il se trompe, et bien voilà, mais après il faut être capable, je pense, dans les clubs, ou même au niveau des arbitres, d'expliquer la raison sans tirer sur l'arbitre. Mais surtout d'expliquer la raison aux joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent perdre confiance. Oui, parce que le dimanche, enfin le lundi, quand ils reviennent au club, ils Ils sont sont tirés défoncés dessus, ou tirés quoi. dessus. Ouais. S'ils ont été une ou deux fois pénalisés. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai, si on met pas de sens derrière, ça peut être problématique. Comme tout, hein, je pense. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Au final, c'est ça. Mais vraiment, j'aimerais pas être arbitre. Ouais. Tu Encore vois? plus pour la mêlée. Ouais. Déjà en temps normal, mais là encore plus. Ouais. Ouais. Et là, comme ça, t'as des souvenirs de ton époque quand tu jouais des mêlées triomphantes, des packs Des mêlées triomphantes. Ouais, écoute. et des packs où tu te sentais Invincible, conquérant. Ben écoute, moi je vais te parler de. Et par respect en plus vis-à-vis de ce club et de mes coéquipiers qui m'ont accueilli dans cette équipe pour mon premier match professionnel. J'en ai fait d'autres, mais celui-là il m'a vraiment marqué. Oui. En fait, 3 semaines avant ou un mois avant, Clermont avait joué contre Perpignan et s'était fait désosser en mêlée. D'accord. Et bon, évidemment, c'était la honte en Auvergne, et puis tu vois ce que ça veut dire quoi. Et puis Laurent Travers fait appel à moi avec Éric Lecomte qui était capitaine à l'époque. Il jouait quoi, lui? Deuxième ligne. D'accord. Et qui avait joué avec toi, En il jouait pas en espoir. première, d'accord. Alors qui jouait en première, Ah, qui était ok. capitaine, c'est Oui. Éric Lecomte, c'est attention, c'est un monsieur quand même à Clermont. Ça a été le capitaine pendant de longues années à Clermont-Ferrand, une figure emblématique de l'ASM. Oui. Et il avait fait quelques piges en espoir et puis on avait joué ensemble, et même à Abraham Tolofois. Et puis voilà, ils avaient dû me découvrir un peu là. Et Laurent Travers m'avait vu aussi en mêlée, ce que je donnais, tout ça. Et en fait, donc mon premier match c'était contre Narbonne. Oui. Donc il fallait vraiment qu'on tienne la route parce que Narbonne avait une très grosse mêlée à l'époque avec Martinez à gauche, Ledesma au talon et Chelsea à droite. Oui, d'accord. Ils avaient un gros paquet d'avants réputés. Et puis nous, il fallait que Clermont se rachète de la déconvenue qui s'était passée à Perpignan. En plus, oui. Donc là, il n'y avait pas de choix. Donc j'ai eu une motivation dans les vestiaires, mais à l'ancienne, tu vois, vraiment à l'ancienne, là. Les tontons, là, les Tolofois, les Galasso, les Lecomte, les Barrier, les Vermeulen, m'ont chopé, mais ils m'ont défoncé. Mais j'étais bien là-dedans, tu vois. Bon, je crois que je suis ressorti de là, j'étais plus rouge qu'après le match, quoi. Donc c'est une préparation à l'ancienne. Alors là, c'est une anecdote, un truc de fou. Moi, j'étais dans mon match à fond, on sort et on se met dans le couloir. Il y avait Riton, donc Éric Lecomte, qui était capitaine. Il me dit, passe devant. Moi, évidemment, blessure. Je passe devant, il me tardait dans mes côtes, tu vois. Il y avait Narbonne qui était sorti. Et là, donc, je passe devant, je trottine, tout ça, et je sors sur le Michelin. Et là, wow, le public, tout ça. Et là, moi, la bave, je regardais tous les Narbonnais, je voulais tu vois, les larmes, mes parents dans les tribunes. Truc de fou. Et là, je me L'adrénaline. retourne, j'étais tout seul. Ah ouais. Et en fait, Éric Lecomte, avec les coéquipiers, m'avait fait l'honneur à 21 ans de rentrer tout Ok. seul. Je me pose encore la question pourquoi j'avais Oui. rien fait dans ma vie, tu vois. Mais il m'avait fait ça, tu vois. Et j'avais trouvé ça, mais extraordinaire, quoi. Ah ouais. Mais je m'étais senti seul. Ouais, Ah ouais, j'étais au vraiment. milieu du Michelin, à 21 ans, là, le public qui scandait, tu vois, qui scandait, le Narbonne en face, et j'étais tout seul, tu vois. Et là, mes coéquipiers arrivent, et là, la première image que j'ai, c'est Tolofois qui arrive, il me met un coup de cigare là, en son vol. C'était bon. Le match était lancé. Et là, on attendait évidemment, et tout le monde attendait la première C'est mêlée. ça. La première mêlée. Je peux te dire que celle-là, elle a fait du bruit. Et première mêlée, écoute, on est rentré comme des jobards là-dedans, dans la meule, et puis on a gagné une pénalité. Et là, il y a eu explosion de joie dans les tribunes. On n'avait rien gagné, on avait été au début du C'est match, ça. mais c'était une mêlée. T'avais Tolo qui me foutait des tartes, t'avais Galasso qui me criait dessus, Lecomte qui me secouait dans tous les sens, tout le monde Ah était ouais. content, quoi, c'était énorme. Et là, il n'y a que là que tu peux vivre ça. Ouais. Et donc on gagne. Et là, c'était génial. Bon, j'avais la tête défoncée, premier match en top 14, enfin pas en top 14 à l'époque. Et puis le deuxième match, donc les poules sortent. Et là, c'était Perpignan, Toulouse, Béziers, on avait. Donc des Ok. gros gros paquets d'avant, tu vois. Premier match, c'était Perpignan à Perpignan. Ouais, donc Uuuh. quoi. Ouais. Donc là, imagine-toi. Imagine-toi, bon, moi, j'avais pas vécu la déconvenue qu'ils avaient subie. Donc là, bon, mobilisation des troupes, entraînement avec Laurent Travers, mais on se défonçait la tronche en Ouais. mêlée, enfin, on essayait de trouver des solutions. Ouais. On essayait de. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça. marrant. On essayait de trouver des solutions, on se défonçait la tronche en Ouais, mêlée. Tu c'est vois? ça. Et puis, on part à Perpignan. Et je me rappelle, enfin, j'avais cognac. Ah oui. Toute la nuit, j'ai pensé au premier duel. Toute la nuit, j'ai pas dormi cette nuit-là. Et la veille, je me rasais la tête au rasoir. Donc, si tu veux, le vendredi soir, j'étais doux, mais le samedi matin, j'étais un peu comme peau de requin, tu vois. Piquant. Piquant, râpeux, tu vois. Et je me rappelle, on sort à l'échauffement derrière, on se fait cracher dessus par les supporters. Attention, c'était le folklore, hein, ça fait Oui. partie du jeu. Au contraire, les Catalans, j'adore leur état d'esprit. Hein. On se fait cracher dessus, tout ça, nous, ça nous remonte. On rentre dans les vestiaires, on se met minable avec Tolo, tout ça. Là. Puis on sort là sur Aimé Girard, là, parce qu'on nous donnait perdants et on allait se faire Oui. défoncer en mêlée. Oh là là, quand ça a sifflé. Première mêlée sifflée, je te jure. Oh, j'avais tous mes mecs autour de moi, là, les 7 là. Boah. Je te jure, on se préparait à une vitesse. Et là, mon pauvre, mais on attaque plein fer. Plein fer, mais un coup de casque, on se met. Mais je te jure, c'était violent. Hein. Coup de casque, et là, on prend. Et on monte Perpignan. Ouais. Pénalité. Boah. Là, mon pauvre, mais j'ai allé. Moi, je. Voilà, j'étais là, tu Oui. vois. Mais les tolos, là. Mais. Comme des fous, on était comme des fous, la hargne. En fait, tu l'as vécu, on a tous Oui. vécu. Hein. Que ça soit de toute manière, que ça soit dans les matchs de haut niveau, où il Oui. n'y a pas de niveau. Quand on a vécu des mêlées, ces mêlées-là, on les a C'est vécues. Et vrai, quand c'est je parle vrai. de ça, ceux qui ont vécu des mêlées, ils Ouais. vont le vivre. Ah Peu importe ouais. le niveau, tu C'est vois. ça, ils Là, vont se quand. retrouver, ouais, on Voilà, ils se vont se retrouve tous, retrouver. ouais. Peu importe le niveau, on s'en C'est fout. vrai. Et là, je te jure, Ouais. je me replaçais et il y avait Jérôme Bergeron qui se préparait à tenter la pénalité. Et là, je Le regarde l'en-but. Je vois Gouta, capitaine, capitaine de Perpignan, ouais. choper cognac par la gorge, Ouais. le secouer dans tous les sens en train de pointer du doigt. Nom de Dieu. T'as compris, moi j'avais 21 Ouais. ans. J'ai dit oui, oui, oui. Là, je regarde Riton. Je dis, Riton, il va pouvoir faire quelque chose parce que là, ça va être vraiment sérieux la prochaine mêlée. Ça va pas louper. Oh là là. Cognac, il s'est mis, mais devant moi. On s'est filé un coup de cigare, mon pote. Je crois que j'ai été sonné sur la mêlée. J'imagine quand même. Sonné, bon, évidemment, bon. Fourchette, tout, Hein? y a tout qui passait à l'époque, tu Ah vois. ouais. Donc ça a été un gros combat et on gagne à Perpignan. Ah ouais. Ouais, on gagne à Perpignan, ouais. Et ouais, ça a été chouette. Un de mes plus gros souvenirs, c'est celui-là. Ah ouais, mais il est beau en tout cas. Ouais, il est beau et surtout, le plus gros souvenir, c'est pas d'avoir gagné à Perpignan, c'est d'avoir vécu ça avec ces mecs-là. Ouais. Tu vois, c'est gravé à vie. Gravé à vie pour. Et tu vois, j'ai d'autres moments, hein, qui sont gravés aussi avec d'autres partenaires, tu vois. Mais ces moments-là, là, avec. Avec Tolofua, sacré client à gauche, pas un gros physique, mais c'est un sacré client, tu vois, on n'avait pas Oui. des gros gabarits. Hein. Il y avait Alessio Galasso, pareil, c'était chouette, ouais. Ouais. T'avais les Lecomte, les Charlemagne, les Audebert, les Salban Boom, Troy Jack, Troncon à la mêlée, Ah oui. pas fou. Troncon, je te jure, tu sortais pas le ballon, rapidement, Ah il te marchait dessus. Moi, j'adorais ça. Ah ouais. Ah ouais, c'était génial. Non, non, c'est voilà, c'est dans ma ça a été mon début de carrière, mais ça m'a vraiment marqué. Ouais. Et tu vois, d'avoir joué la première année contre des mecs comme le Cognac, Ouais. Dalmazo. La première année, je prends Cognac à 21 ans, Cognac, Dalmazo, Ledesma au premier match. Ledesma, Ah Bruno, ouais. des sacrés clients quand même. Ah ouais. Sinon, c'était génial, c'était super, c'était super. Et tu vois, je te parle pas de 2 contre 1. Oui, c'est ça. Je te parle que de la Oui, mêlée, mais non, c'était pas prévu. c'était super. Mais juste, et quand t'étais coach, j'allais dire, t'as réussi à faire vivre ça à tes gars? Alors c'est difficile, c'est pas la même chose. Ouais. Je pense que cette histoire, elle t'appartient. Ok. Tu raconter ton histoire, ça sert à rien. Les joueurs, c'est eux qui doivent se créer l'histoire. Oui. Tu sais. J'ai entendu quand les coachs disent à l'époque, nous on faisait comme Oui. ça. Ouais, c'est ton histoire. Le but, c'est pas ce que t'as fait toi, c'est les joueurs ce qu'ils vont faire. Et c'est arriver justement à les aider à créer Oui, mais des justement, histoires, t'as tu réussi vois. à les amener à faire ça? T'as eu un pas conquérant, Quand t'as j'ai des belles mêlées en. alors quand j'ai été coach, ouais, il y a certains moments, notamment à Tournefeuille, une bande de mecs là, je te jure. Il montait de Fédéral 2, des physiques, pas de physique, rien du tout, mais une bande de mecs super. Et on démarre la saison, on n'avait pas commencé à trop travailler, on se fait déboîter par une équipe de Fédéral 1 chez nous, en mêlée, tout ça. Et là, je me rappelle le capitaine, Alexandre Breuil, qui a été entraîneur de Lombès il n'y a pas longtemps, Oui. vient me voir, il me dit, bon, je crois que Casto, il faut qu'on. La mêlée, c'est important, Fédéral 1, il faut qu'on la bosse. Si tu veux, tu avais les joueurs qui avaient compris que, il fallait travailler pour arriver à quelque chose. Ils ne se sont pas dit, bon, ça va le faire tout seul. Ouais. Et là, on s'est mis à bosser. On a bossé vraiment tout ce qui était ballon porté et mêlée. On a bossé les mecs, ils étaient vraiment, vraiment intéressés et motivés. Et on a réussi, tu vois, notamment sur la phase retour, à s'imposer sur des mêlées. Contre Béziers, tu vois, on a pris Béziers chez nous, on a gagné Béziers à Tournefeuille. Avec nos moyens, tu vois, et Ouais. on a contré Béziers en mêlée sur les ballons portés. Premier match à la Méditerranée, l'équipe de Tournefeuille qui met un essai sur ballon porté de 45 mètres. Ah oui, d'accord. Voilà. On s'en fout. Ouais. Mais les mecs qui ont vécu ça, Ils s'en rappelleront toujours. mais je les ai croisés, Ouais. on en a reparlé. Ah oui, c'est ça. Tu vois, c'est En gros, la ça. mêlée, c'est des souvenirs, quoi. Ouais, enfin, C'est un aujourd'hui, bon moyen. les mêlées, c'est des souvenirs. Ouais. Alors pour moi, tu parles? Ouais, ou même en général, la mêlée pour tout En court. général, en fait, la mêlée, c'est tellement vivant que c'est oui, ça fait partie du présent, du passé, du Ouais. futur. Tu vois, c'est tout ça la mêlée. C'est comme tout. On peut pas Ouais. faire un focus sur la mêlée, qu'il y a que ça dans la vie. Non, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais c'est une phase de jeu qui te permet de vivre des choses quand même Unique. Et à uniques. 8, Et c'est ça, c'est qu'on est plusieurs. c'est ça. Et tout le monde n'a pas la chance de savoir comment ça se passe dans une mêlée. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Ouais, c'est marquant. Et c'est pour ça que moi, mon passé, c'est mon passé, on s'en fout, c'est pas ça le plus important. C'est le plus important, c'est l'avenir. Et d'abord le présent. Les joueurs qui viennent me voir, c'est que voilà, c'est des joueurs qui ont des problématiques. Oui. Mais voilà, le plus important, c'est d'arriver à les aider, ces jeunes. Jeunes ou moins jeunes, parce que Ouais. maintenant j'ai tout âge et j'ai tout niveau. Voilà. J'ai tous les niveaux. Et comme je leur dis, moi, je fais pas de. Il n'y a pas de différence. La mêlée, ça reste la mêlée, peu importe les niveaux. Mais l'objectif, c'est de répondre à ces problématiques. C'est malheureux de voir des. Et on en a vu, je ne vais Oui. pas nommer, mais on a vu des jeunes avec des physiques hyper intéressants arriver en équipe première et ça ne marche pas. Bien sûr. Et c'est quoi l'excuse? Il n'a pas de mental. Merde. Alors que ces joueurs, ils ont envie de croquer dans ces histoires, ils ont envie de créer leur histoire. Oui, de se sentir utile, performant, Ben oui. on prend aucun plaisir à reculer, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que peut-être pour les gens qui comprennent un peu moins la mêlée, tu pourrais essayer de décortiquer au moins le rôle des trois de première ligne? On va essayer. Ouais, oui, tu sauras mieux le faire que moi en tout cas. On va essayer. Ouais, donc vas-y, je te laisse faire. Pardon. Bah écoute, si on reste sur la première ligne, on va essayer de faire simple, justement. Oui, c'est ça l'idée. Voilà, on va dire que le talonneur, on va dire que c'est autour de lui que tout s'articule. On va le symboliser, et les puristes le savent et tout le monde le sait, on va l'appeler la clé de voûte. Voilà, c'est là où c'est lui qui tient l'édifice, en fait. On va le résumer comme ça. Après, il y a le droitier, le gaucher. Il y a le droitier qui est à l'intérieur de la mêlée. À l'impact, il se retrouve entre le talonneur adverse et le pilier gauche. D'ailleurs, les Anglais appellent ça pilier tête serrée. Voilà, pilier Ouais. tête serrée, il est enfermé. C'est un poste qui demande beaucoup de qualités techniques, physiques, parce que tu te retrouves souvent à pousser un contre deux. Donc c'est un poste qui aujourd'hui demande de grosses qualités. Talonneur aussi, parce que pour moi, un talonneur te fait une bonne mêlée. Ça, c'est pour moi, j'en suis convaincu. Un bon talonneur te fera une bonne mêlée. Il Oui. arrivera à compenser les choses, il arrivera à trouver. Alors, il va pas tout faire, Oui. parce qu'on est d'accord qu'on est dans un collectif. Mais un talonneur, il va arriver à aider un droitier, à aider un gaucher. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a le gaucher. Alors, le gaucher, lui, il a la tête extérieure. Lose head, Loose donc tête head, perdue. tête perdue. Ouais. Tu vois, nous, on dit tête extérieure. Ouais, c'est Tu vois, les vrai. Anglais, moi, tout, Ouais. ils n'ont pas la tête perdue, la tête Ouais. extérieure. Ils ont la tête extérieure, donc eux, ils sont alors, généralement cités pour être en travers, parce que Oui. c'est à cause des gauchers, les droitiers se mettent en travers, tout ça. Donc eux, ils ont le rôle, on va dire, on va dire, ils sont très importants, bien entendu, pour le maintien de l'édifice. Ils doivent travailler aussi bien individuellement que collectivement. Et puis voilà. Quoi te dire de plus? Mais On pour quelle va trop raison rentrer dans la ouais. technique, quoi, Mais sinon. pour quelle raison, un peu plus technique, pour quelle raison on dit qu'une mêlée, elle doit partir avec le droitier? C'est le droitier qui doit enclencher l'avancée. Pourquoi? Parce que déjà, si c'est le gaucher. Alors après, ça dépend si t'as le ballon ou t'as pas le ballon. Ok. Tu Bon, dans vois? l'optique où on l'a. Dans le pic. Enfin, ou je sais pas, dans l'optique de ce que tu veux. Après, ça dépend. En fait, tu vois, c'est là. C'est on dit que. Ouais. Tu vois, tout le monde entend ça. Moi aussi Oui. j'ai entendu ça, mais on dit que normalement le droitier doit avancer, tout ça. Mais on dit, c'est pas stéréotypé. On n'est pas avec des machines. Ouais, c'est En ça. face, ils ont peut-être changé de stratégie, ils ont abordé des stratégies différentes, des angles d'attaque différentes. On vient de parler d'un sujet, on parle d'un sujet qui est vivant. Donc, on dit que, Ouais. oui, par rapport à une certaine stratégie en face ou par rapport à une certaine mêlée, c'est bien. Dans l'idéal, quoi. Dans l'idéal, par rapport à quelque chose. Maintenant, ça peut ne pas être bien dans certaines conditions. Oui. Voilà. Et c'est là toute la subtilité de la chose. Celui qui dit qu'il faut pousser que comme ça. Mais ça restreint trop la chose par rapport à la réalité. Ouais, il y aura des limites. Il y aura Ouais. des limites. Ça va fonctionner, hein. Mais il y aura des limites. Oui, parce qu'une fois que tu rencontres une mêlée qui sait te contrer ou qui a une attaque différente, tu seras embêté à ce moment-là, quoi. Oui. Ouais. Ok. Et pour finir, du coup, je t'avais demandé un 15 de légende, mais avec toi, je pense qu'on va s'en tenir au pack Au de pack. légende. Allez, Donc, raconte-moi. je pense que tu vas me parler des super joueurs, mais aussi des super mecs avec qui tu as pu jouer dans ta carrière et dans ta vie. Ouais. Écoute, bon, j'aurai plusieurs gauchers, plusieurs. Hein, Ouais, bah d'accord. ça va être Écoute, sympa. écoute, le premier que je coche en tant que gaucher. Ça, c'est Abraham Tolofoa. Et le droitier, pareil, ça sera Alessio Galasso. Voilà, c'est les deux piliers avec lesquels j'ai démarré ma carrière professionnelle et qui m'ont marqué. Donc, à gauche, Abraham Tolofoa. Après, évidemment, j'ai eu la chance de jouer avec Rodrigo Roncero, Oui. El Doctor, Oui. un super mec d'une gentillesse. Ah oui. Mais d'une méchanceté sur un Ouais. terrain, un pitbull, tu vois. Sylvain Marconnet, on ne le présente plus, ça a été extraordinaire aussi. Il y a qui à gauche? Il y en a des mecs à gauche. En fait, il y en a des bons mecs. On va passer à droite, on va peut-être revenir à gauche après. À droite, ben, je t'ai dit Alessio Galasso. Pablo Lemoine, fantastique. Peter De Villiers, actuel entraîneur du Stade français. Une finesse, une technique. Bah, regarde sa mêlée aujourd'hui. Ouais. Belle mêlée. Qui c'est qu'il y a? Coco Rivier, qui était à Aix-en-Provence. Ok. Mon frère d'armes, avec Guy Akhutarachvili. Ouais, qui était à Toulon avant ou après? Ouais. Ouais. Voilà, on n'était pas les plus épais, mais on avait Ouais. envie de croquer. Ouais. Après, je ne veux pas faire offense à ceux que j'oublie, hein. Oui, je sais bien. Mais voilà, ceux qui m'ont marqué dans un certain moment, parce qu'ils m'ont tous marqué. Quand tu joues talon, le truc, c'est que les mecs, ils te marquent tous. Parce qu'ils sont tellement tous. Enfin, quand tu aimes l'homme, ils te marquent tous. Donc tu les oublies pas, mais à un certain moment, il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres. Après, en seconde ligne, bien entendu, je vais citer Éric Lecomte, hein, qui était capitaine et qui, voilà, c'était quelque chose. Après, t'avais Barrier, David Barrier, solide. J'ai Bibi Oradou, Oui. celui-là. Qu'est-ce que t'aimes jouer avec, mais pas contre. Deuxième ligne qui s'affiche partout, qui casse les couilles constamment. Mac James. Ah oui, celui-là, ouais. Bûcheron. Ah ouais, énorme. Mac James, c'était terrible. Troisième ligne, ben écoute, Charlie Magne, en touche c'était la classe, j'adorais. Julio Fabelas Cabello, Ah, ça me dit un truc, lui. voilà, qui a joué à Rouen, Ah oui. qui a joué avec Pumas ensuite. Super, super troisième ligne, lui qui m'a marqué, vraiment. En 8, il y en a un qui m'a marqué parce que j'aimais son style. C'était Elvis Vermeulen. Elvos. Ouais, j'aimais bien lui. Les deux contre un, ils ne connaissaient pas trop. C'était destroncher l'adversaire, défoncer les types. J'aimais bien son état d'esprit. Ouais. Ouais, vraiment. Et puis en plus de ça, super type. T'as vu la carrière qu'il a fait? Oui. Super carrière. Et en 8, autre 8, je vais citer un de mes joueurs. Nicolas Berja. Oui. Nicolas Berja, 8, numéro 8 à Tournefeuille que j'ai eu. Techniquement très fort. Et quelqu'un sur qui tu pouvais compter et qui te remettait tout le temps dans l'avancée. Tu ne savais pas comment il faisait, mais il y D'accord. arrivait. Il a mis de ses cucus. Terrible. Ouais. Tu vois? J'ai vu des gros culs donnés par Elvis, mais j'ai vu des bons culs aussi donnés par Nicolas Berger. Ouais. Ouais. Après, j'en oublie, hein, c'est sûr, hein. Mais ouais, j'ai fait le tour à peu près là. Et chez les trois quarts, il y en a alors ou pas qui viennent en tête? Oui, mais bien sûr, les trois quarts. Moi, j'ai bien aimé en neuf Augustine Pichot, Oui. Picha. Le neuf le plus gros du championnat. Troncon, j'aimais son style. Troncon, ouais, j'aimais ça, il tabouillait dessus, il te gueulait dessus. En fait, c'était un meneur, un fou. Oui. C'était un fou. Mais j'aimais bien. En 10, eh bien, évidemment, moi j'aimais bien Merceron. Gérard Merceron, super mec. Tony Marsh également. Il y a un centre qui m'a plu aussi, qui est à Rouen, c'est Maximiliano Maxi. Oui. Je ne sais pas si vous en avez peut-être Non. entendu parler. Super mec, un Argentin. Très bon. Il m'a marqué. Après, Ozel, David Bory m'avait marqué à l'époque. J'adorais. Super mec aussi, David Bory. Ouais, je vois qui c'est. Aurélien Rougerie. Ouais. Pas mal de mecs de l'ASM, quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, ça t'a marqué tes débuts. Mais c'était mes débuts, Ouais. donc après, je veux pas faire offense aux Aux autres, autres, parce bien sûr. que bien sûr, mais comme c'est les débuts, ça te marque toujours, ces Ouais, c'est mecs-là. Et ça. puis en plus, humainement, ils étaient top aussi, tu vois. Ok. Les autres aussi, mais voilà, c'était mes débuts et voilà, je veux saluer quand même mes débuts. Et en entraîneur, tu mettrais qui de cette belle équipe, de ce beau staff? Quelle équipe? Pour rendre hommage à un ami, et en plus qui a des valeurs qui sont exceptionnelles, je mettrais Arnaud Mercouz. Oui. Ouais. Entraîneur des trois quarts et que j'ai eu quand j'étais à Aix-en-Provence. Et je mettrai notre ami Chaffardon, que j'ai eu Alors, aussi à Aix-en-Provence, ok, le le Chaff. chat. J'ai eu la chance de jouer un match avec lui parce qu'il a ranquillé en tant que joueur quand j'étais à Aix-en-Provence. Ok. Ça a été exceptionnel, une poutre. Oui. Et ouais, je mettrai le Chaff, ouais. J'ai adoré. Génial. Ouais, c'est un super mec. C'est des mecs, voilà, des mecs qui m'ont marqué. Oui. Après, il y en a d'autres. Je pourrais te parler des mecs qui évoluent au plus haut niveau. Mais eux m'ont marqué. Que ce soit sportivement et humainement. Dans ce qu'ils m'ont transmis, dans ce qu'ils m'ont. Ouais. Des valeurs, eux. Et j'ai encore une dernière question, c'est vraiment la dernière. Tu conseillerais quoi aujourd'hui à un jeune joueur de 18, 20 ans, première ligne? Tu sais, il y a beaucoup de reconversions sur le tard, des anciens mecs qui jouaient 8, 7, qu'on fait passer piliers, talons. Bah, tu leur conseillerais quoi à ces mecs-là? Parce que bah, moi, j'ai fait partie de ces gens-là. J'aurais peut-être été heureux d'avoir l'avis de quelqu'un avec de l'expérience et un œil avisé sur la chose. Leur conseiller quoi? Compliqué cette question. Ouais. Compliqué. Sans savoir s'ils ont une problématique dès le départ. Ouais, enfin voilà, ben ouais, allez. Ben, je leur conseillerais quoi? Déjà d'être à l'écoute, d'écouter leur entraîneur et d'essayer d'entendre leur message. Et puis si jamais. C'est marrant ce que tu me poses cette question parce que pendant 1 an et demi à Blagnac, je me suis occupé à un moment donné des espoirs. Oui. En fait, j'ai reconverti des troisièmes lignes en piliers. Oui. Donc au début, ils appréhendaient, tu vois. Après, bon, voilà, je leur ai dit, voilà, faites-moi confiance, je vous donne la technique et mettez le cœur. Et en fait, au bout de quelques mois, ils y arrivaient, quoi. Donc, qu'est-ce que je leur conseillerais? C'est si les entraîneurs leur ont proposé de jouer en première ligne, c'est que normalement les entraîneurs sont capables de les former pour ce poste-là. Donc, d'être à l'écoute de leur entraîneur. Très bien. Voilà, et de communiquer avec eux et d'apprendre. Ok. Mais super, merci Alex. Voilà, ben, plaisir. Merci beaucoup.